La sauterelle. Serait-ce le gendarme des insectes? Tout le jour, elle saute et s'acharne aux trousses d'invisibles braconniers qu'elle n'attrape jamais. Les plus hautes herbes ne l'arrêtent pas. Rien ne lui fait peur, car elle a des bottes de 7 lieues, un cou de taureau, le front génial, le ventre d'une carène, des ailes en celluloïde, des cornes diaboliques et un grand sabre au derrière. Comme on ne peut avoir les vertus d'un gendarme sans les vices, il faut bien le dire, la sauterelle chic. Si je mens, poursuis-la de tes doigts, joue avec elle à 4 coins, et quand tu l'auras saisie, entre 2 bonds, sur une feuille de luzerne, observe sa bouche. Par ses terribles mandibules, elle sécrète une mousse noire comme du jus de tabac. Mais déjà, tu ne la tiens plus. Sa rage de sauter la reprend. Le monstre vert s'échappe d'un brusque effort et, fragile, démontable, te laisse une petite cuisse dans la main.